je réécris une nouvelle tribune intitulée « Réhabilitons DSK ». Un homme injustement sali, et pourquoi? Pour avoir simplement exercé sa liberté d'importuner. Importuner une femme qui a fait une belle connerie, hein, parce qu'elle est peut-être passée à côté d'un bon moment, qui l'aurait peut-être un petit peu décoincé. Hein, une femme qui est peut-être passée à côté d'une belle histoire. Alors réhabilitons Denis Baupin et Georges Tron, dont les carrières politiques ont basculé. Et pourquoi? Bah parce qu'ils avaient du charme, et puis peut-être un petit peu d'audace, tout simplement. Hein. On parlerait de Dieu en douce, en tapis noir, à la tombée, dans les rues sombres, entre chiens et loups. Ça vous dirait d'avoir un plan Dieu avec moi? Une petite prière furtive, vite fait, bien fait, derrière le confessionnal? Si ça vous intéresse, j'ai des images de Dieu. Vous voulez voir? Ça aurait été plus facile pour moi de vous annoncer que j'ai une maladie vénérienne ou que j'ai un poster de Clara Dupont-Mono dans ma chambre. Ça, je le savais, mon chéri. Enfin bon, voilà, je suis d'accord avec la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Alors, je suis emmerdé, je sais pas comment on fait, moi, pour lécher le cul du pouvoir. J'ai pas un CAP Christophe Barbier. Moi, je vous le garantis que dans 10-15 ans, allez, tout au plus, on aura tous des véhicules sans chauffeur capables de faire un délit de fuite après un accident de la route. Que oui, la présidence en Suisse, c'est un petit peu comme une chenille en soirée. T'as beau te faire discret, regarder ailleurs, au bout d'un moment, si t'es là, t'y passes, quoi. Mais c'est pas une raison. Point. Alors, ils sont tous les deux chauves, mais Alain Berset, contrairement à Édouard Philippe qui essaye fourbement de faire diversion en se faisant pousser des cheveux sur le menton, Alain Berset assume complètement le côté patinoire à mouche. Il n'est que surface réfléchissante, ce qui est pratique si vous décidez une nuit d'aller faire une balade à vélo avec lui. N'en a-t-on pas assez de voir le cabillon en corbillard, la baudroie vêtue de noir et la sole bientôt seule dans nos océans tant ils sont vides. À force de surpêche, les poissons que nous pêchons sont de plus en plus jeunes, n'ayant ni le temps de grandir, ni de faire l'amour, ni d'écouter le chant des baleines qui donnent la chair de moule. Car oui, sous l'eau, il n'y a pas de poule, donc on a la chair de moule. Tellement c'est beau, mais nous, on les zigouille toujours plus tôt, toujours plus loin. Après le harpon, l'hameçon, le filet, voici venue la grande impulsion qui vient les électrocuter avant même leur avoir laissé le temps de vivre leur propre coup de foudre. Bref, soit Dupont s'est donné la mort, lassé d'être seul devant un gigot pour 6 le dimanche, soit il est là et se planque. Or, la Terre est grande, sauf pour Christopher Froome qui, sous stéroïdes, peut en faire le tour en 16 heures avec un vélo d'appartement. Donc c'est comme de chercher un morpion sur le pubis d'un fan d'épilation intégrale. Il peut être n'importe où, dans un lieu vide, comme le siège du Modem ou le regard de Nabila, ou au milieu d'une foule. Si ça se trouve, il est dans le public de notre émission. Hein? Non, il a 57 ans, là, à l'évidence, presque tout le monde a plus. Je me rappelle la saison passée, j'ai fait une chronique sur le foot. La patronne de la chaîne, Laurence Bloch, est venue personnellement le féliciter. Après l'émission, elle m'a dit « Vous vous exprimez très très bien pour quelqu'un issu de la différence mentale. Bravo Ernesto. Mais la prochaine fois, parlez-nous du cinéma bosnien, vous serez gentil. » Le racisme dans le stade, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Enfin, je vais souvent voir le PSG avec Leïla. Donc voilà, je la vois bas vos lèvres, etc. Tremblante d'agressivité, insulter les joueurs avec des références que personne ne comprend dans la tribune. « Ta mère, elle est dans un roman de Marie Dariostey !» Et le sexe tout prépondérant est devenu la nouvelle religion, le catéchisme de chacun. Je crois au sexe tout puissant, notre sexe qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le sexe est la doctrine indépassable, la pornographie est la Bible. On a le feu au culte, on en a plein le culte. Il vaut mieux avoir affaire au sexe qu'à ses seins. Les voies du sexe sont impénétrables. Chacun pour soi, le sexe pour tous, heureux comme le sexe en France. Tandis que de pauvres R, ne croyant plus ni en sexe ni en diable, R désespérément, mon sexe. Mon sexe, pourquoi m'as-tu abandonné ?